18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Amis golfeurs, votre marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. C'est la grande fin de semaine du club de golf de Saint-Prime et la chronique du club de golf est commanditée par l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime. Donc on parle avec le directeur général, le Gilles Larouche. Salut Gilles! On est rendu dedans, là. Donc la grosse fin de semaine, ça fait des mois que Jonathan Lambert et toute l'équipe prépare cette grosse fin de semaine-là. Tu me disais hier que ça allait très très bien. Les joueurs sont enjoués, il y a une belle énergie ce matin. OK, OK. Donc, si on parlait un peu de cette fin de semaine-là, donc ça commence aujourd'hui, c'est ça? Ben, on a commencé hier. On appelle ça une mafia. C'était la mafia du méga week-end golf, Toiture Hillman. OK. Il y avait 72 joueurs. Ensuite, hier soir, il y a eu le repêchage pour un repêchage de style, si on veut, un peu comme la Ligue nationale. OK. Ouais, chaque capitaine repêche à ses joueurs. La compétition, l'Omnium Saint-Prime, va avoir lieu aujourd'hui. Demain, dès 15h, c'est les qualifications pour les longs coups de départ, long drive. OK. De 15h jusqu'à 17h. À compter de 17h, c'est le fameux concours de putting, le Master of Putting, où est-ce que le gagnant, je vous rappelle qu'il y a un gagnant qui va aller directement à Las Vegas. Au mois de novembre, et je peux vous dire qu'on a beaucoup de téléphones, il va y avoir une participation sûrement très intéressante. Et par la suite, en soirée, dans les alentours de 20h, ça va être la finale du long cogneur ici à Saint-Prime. Et je peux vous dire que on a le monsieur Caron qui va être ici, qui est champion canadien, s'en va directement à Las Vegas au Mondial. On a Mathieu Larouche qui a gagné les deux dernières compétitions. Et on a des gens de Québec, Montréal et de la région qui sont inscrits en grand nombre pour cet événement qui est fort spectaculaire. Mm. Et samedi, c'est le tournoi des équipes. On a 260 joueurs d'inscrits. On va avoir une belle participation. C'est vraiment la fête du golf pour nous samedi. Et on va clôturer dimanche avec la journée de la famille, où est-ce que le premier 9 trous est converti en par 3 pour vraiment là, que les parents et les enfants viennent jouer. On fournit les voiturettes motorisées. C'est 10$. C'est vraiment ça va être exceptionnel. OK. Le Mackenzie King, là, c'est quoi? C'est-tu un circuit qui se promène? Ça vous coûte-tu quelque chose de venir? C'est-tu un concept qui se promène partout dans les clubs de golf? C'est quoi en fait? Malheureusement, j'ai pas cette information-là, okay. Danny. Pour la prochaine chronique, c'est clair qu'on va pouvoir en parler. Tu comprendras qu'à ce moment-ci, on est un peu submergé par ce que l'on a comme activité. Mais je vais prendre l'information, puis on s'en reparle. OK. Si on parlait maintenant un petit peu de ce qui s'en vient, tu as beaucoup, beaucoup de téléphones encore. Donc, j'imagine qu'on peut déjà assurer que c'est meilleur que l'an dernier. Oui, ben disons que cette activité-là est toujours grandissante. Ouais. Cette année, en plus, c'est la première année où est-ce que les conditions météo sont au rendez-vous. Je peux déjà mentionner qu'il y a des gens qui sont arrivés hier, okay, qui sont dans les chambres d'hôtel, et ils vont repartir dimanche. Ah. Et c'est assez surprenant. On s'attend environ joueurs et spectateurs combinés à un peu plus de 2000 personnes qui vont passer ici. Alors, hey. Pour dans le coin, au niveau économique, c'est très, très bon. Pis ça, ça donne des arguments à votre président, Martial Bouchard, là, parce que je sais que Martial négocie actuellement pour essayer de faire reconnaître Saint-Prime, d'avoir de l'aide de la MRC. Et y a-t-il des nouvelles en passant de ça? Là? C'est sûr qu'on n'est pas là, on n'est pas du tout dans le sujet, là, mais y a-t-il des nouvelles là-dessus? Non, on est dans le sujet, oui. On a présenté, moi et Martial, récemment à la MRC. Okay. Pour avoir une contribution. Oui, ça, on savait ça, mais est-ce que. Il y a eu, une écoute très attentive. On attend la confirmation écrite, mais au niveau verbal, on a eu l'information comme de quoi qu'on allait avoir une aide financière. Ah, OK. Pour donc, les quatre prochaines années. Qui serait de combien? 35 000 $ par année. Ah, c'est très, très, très, très bon. Ça, c'est une bonne nouvelle c'est encore. Nous, ça va nous permettre pendant cette période-là. Oui, ça va nous permettre pendant cette période-là. On sait que le golf est en période De restructuration. Et nous, exactement, le terme est bon. Et au-delà de ça, c'est de trouver des nouvelles façons, même si on est quand même assez innovateur, pour pouvoir accrocher monsieur et madame tout le monde de venir jouer au golf, de rendre les prix, pas de baisser les prix de manière astronomique parce qu'on reçoit de l'aide, mais d'être créatif au niveau des formules pour attirer davantage, comme j'ai déjà mentionné, la clientèle féminine, les juniors. Nous autres, les juniors, ça va bien. On est rendu à 71 juniors au niveau du programme. Mais ça va nous donner un certain souffle pour les quatre prochaines années. Bravo, bonne nouvelle. Donc, 35 000 $ d'aide de la MRC Domaine du Roy. Si tu permets, on va faire une pause parce qu'on a beaucoup publicité. C'est justement les pauses du club de golf de Saint-Prime, justement, pour cette fin de semaine-là. Et on revient dans quelques instants. On va parler de ce qui s'est passé dernièrement. Je sais qu'il y avait des omniums seniors. Il y avait un omnium hier féminine au niveau régional. Donc, vous êtes à l'écoute de la chronique du club de golf de Saint-Prime avec Gilles Larouche. 8 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. On est de retour à danradiosport.com. Gilles, il y avait des activités autres que le Saint-Prime, ce festival du golf à Saint-Prime. Il y a des omniums un peu partout. Tu as participé à l'omnium senior, ça a bien été. Est-ce qu'il y en a d'autres que du club de golf de Saint-Prime qui ont bien fait? Oui, ce que je pourrais dire, c'est qu'au niveau du senior, on n'a pas de personnes qui ont terminé dans les premières positions. Okay. La plupart des joueurs ont bien performé. Sauf que heureusement, là, c'est d'autres copains seniors qui ont gagné dans d'autres catégories. Mais au niveau féminin, la semaine dernière, il y a eu à Saint-Gédéon, au club de golf Lac-Saint-Jean, une participation. Le tournoi était le 6-6-6. Et l'équipe de Nathalie Kertness et France Kertness ont terminé deuxième au niveau de ce tournoi-là. Ah, OK. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y avait une amie féminine hier? Je crois que c'était celle de dimanche dernier. OK. Parce qu'on en voit dans le quotidien ce matin aussi. Oui, mais c'est dimanche dernier. C'est peut-être une petite erreur au niveau de... Okay. De l'aiguillage. OK. Parle-moi aussi des différentes promotions, encore une fois, qui sont en cours au club de golf. C'est sûr que là, vous êtes en paix dedans, mais ça va se poursuivre la semaine prochaine. Il va y avoir une vie après le Saint-Prime Open. Oui, tout à fait. Dès la semaine prochaine, dès lundi, lundi au vendredi, à compter de 13h, il y a toujours des promos sur Facebook. Ouais. La semaine prochaine, ça va être des prix qui vont être en décroissance, c'est-à-dire que quelqu'un qui va venir jouer à 15h peut payer 20 $ pour jouer. À 14h, c'est peut-être 25 et à 13h, ça va être 30 $ OK. Comment ça va l'achalandage? L'achalandage, c'est clair qu'il a commencé à faire beau. Ça fait uniquement 2 semaines. Mais lorsque le soleil est là, il n'y a pas de prévisions météo qui sont catastrophiques, c'est 100-150 joueurs qui vont parcourir le terrain ici à Saint-Prime. Ouais. Alors, les deux dernières semaines ont été excellentes et souhaitons que ça tienne au niveau de la température pour du moins avoir des chiffres intéressants, au moins l'équilibre budgétaire pour notre club de golf. Bon. Ben, je vais te souhaiter la meilleure des chances. On rappelle que c'est la grosse fin de semaine du club de golf de Saint-Prime. Donc, Gilles, la meilleure des chances. Demain également, il y aura un gros invité de marque, semble-t-il. Là, moi, je connais le club de golf à Tempête, mais je connais pas le monsieur. Mais c'est une grosse pointure du golf au Québec. Ben, c'est M. André Raymond, qui est l'un des copropriétaires et directeur général du club La Tempête. J'ai le privilège de passer la journée avec lui demain en compagnie de d'autres membres de La Tempête et du club de golf ici. Et on va avoir des discussions sur des rapprochements. Je peux déjà te pister là-dessus qu'on va pouvoir se parler dès la semaine prochaine. OK. Ben, d'ailleurs, on va essayer d'entrer en contact avec M. Raymond pour avoir une entrevue avec lui sur l'état du golf au Québec. Comment il voit ça, lui? Donc, Gilles, un gros merci pour sa part. Merci. Le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles.